bon de la haine. Suivons son chemin, sans peur on sauvera. Musicien, magicien, chanteur de la vie, une fête sans fin. Musicien, magicien, chanteur.